Le château et la chaumière, poésie suédoise. Je n'habite qu'une humble cabane rustique, mais cette cabane est à moi, et il faut qu'on s'incline quand on y veut entrer. Son toit ne s'élève qu'à quelques pieds du sol, mais non loin de là, dans le parc, s'élève un château superbe. Là réside un grand seigneur, inquiet dans son faste et son opulence. Moi, je dors paisiblement, mais lui n'en peut dire autant. J'étais, par une belle soirée, assis devant ma cabane, quand tout à coup j'entends aboyer sa meute qui traverse la rivière. Sa seigneurie s'avance vers moi, tandis que je chantais avec bonheur les bontés de la Providence. C'était une chanson que j'avais faite moi-même pour louer le Dieu qui me donne la paix et le contentement, la santé et le pain quotidien, le repos après le travail et les jours sans inquiétude. Le Seigneur s'arrêta le fusil à la main en écoutant mes chants. J'ôtai mon bonnet et il continua son chemin en me remerciant. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Ah, je l'entendis, ce soupir voulait dire « Donne-moi ton cœur joyeux et prends mon château ». Mes yeux s'élevèrent vers celui qui a fait ainsi le partage des biens de ce monde, les palais aux grands et la gaieté aux petits.